lumière noire, mais pas farouche, sous des grands arbres, tu te couches, et dans tes rêves du doigt, tu touches cette liberté qui te mène à la bouche. La vie est un grand voyage, sur un sentier semé de virages, mais cette liberté te sauvera, toi la manouche, toi le gitan, sans ancrage. Swing et chante, écho de puissage, dans un monde règne le tapage, comme si sur un nuage apparaissait, oh, d'un seul coup, un divin présage. La musique t'emporte vers d'autres rivages, et ainsi continue le voyage, pour toi le manouche, toi le musicien de passage. Pas de maison, pas de garage, pas de bureau ni d'entrave, mais du talent et du courage pour que continue le voyage. Comme une mélodie qui passe, les chemins s'entrelacent pour garder la trace de cette liberté qui nous dépasse, toi le gitan, toi le manouche. Comme les nuages qui passent sur les chemins qui s'entrelacent, caravanes et populaces ont laissé comme une trace. C'est une musique qui nous attache et qui semble retenir le temps qui passe. Toi le gitan, toi le manouche, toi l'homme libre, que rien ne casse. Swing et chanter, que le plus sage dans un monde où règne le tapage, comme si sur un nuage apparaissait d'un seul coup comme ça un divin présage. C'est bon, ta musique t'emporte vers d'autres rivages, et ainsi continue le voyage pour toi le manouche, toi le musicien de passage. Accordion's brother. How about a nice hand for the rub board man, Gerald Broussard. Allons à la concibration. Thank you. patchy. Girl, you got to come right in. You all in there. Don't get no better than that. You all in, you right where you're supposed to be. Everybody feeling good? Now this is very important. This is for our good friend, the fabulous Ed Betty. So everybody, that's how it's gonna be like today. Together, say, hey, man, give me that G. Oh. We'll be right back. Maritana.